إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Quand j'ai la dernière fois, chers frères et sœurs, nous avons amené un jour de causerie, nous prenons comme une leçon, quand nous pouvons dire une leçon, en d'autres mots, capable de quelque chose, nous trouver, qui fait mon besoin qu'on est, le fait qu'il faut me porter dans mon dîme, comme on apprend ni, qu'on est ça pour augmenter mon darroja de Jannah. Chers frères et sœurs, prenons comme ça. Mon apprendre une petite chose concernant mon dîme. Premièrement, même personne ne connaît pas cette chose-là. Personne ne connaît mon comprendre. Quand on a dit moi, pas vous pensez, pas, je connais cette chose-là de mon dîme. Deuxième, le fait qu'il est concernant mon dîme, être sûr que mes oreilles entendent une passe de mon intelligence, ça vous augmente mon daraja de Jannah. Que Allah subhanahu wa ta'ala pédie de surah Mujadala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala pour élever ban qui n'a iman et ban qui n'a connaissance de darajat. Il faut augmenter. Si nous guettons par exemple, comme on dit forme 1, forme 2, forme 3, comme on peut apprendre, bon, nous pouvons dire en tant qu'un exemple, parce qu'à travers sa bonne connaissance-là qui a aujourd'hui, par où d'Allah nous peut nous résoudre. Il dit, moi, fais un X. Mets un triangle, mets un right angle, il dit, moi, fais un X. Aujourd'hui, travail qui m'en arrivé, quelle personne peut que je fais un X. Mais c'est un monde bizarre pour amener, oui, non. Mon bien pour amener. À travers sa connaissance-là, mon monter, qui m'en vient. Si ça, l'état m'a guetté, un de bonnes questions qui est à faire de nia. Mais concernant mon dîne, ça qui m'a trouvé petit, ou bien qui ne pas profite moi là, non. Il n'y a pas une question qui vient dans la vie pratique. Mais seulement le fait qu'il est attaché avec Modine, être sûr, cher frère et sœur, de l'Akhirat qui m'a trouvé, qui m'en apprend. Ça, c'est une introduction, parce que dans le deuxième partie, ça qui est avec nous aujourd'hui, nous pouvons soulever un sujet qui est attaché, un chapitre qui est attaché directement avec ce sujet-là. De là, nous pouvons trouver une beauté qui est là. Qu'il y a de nous dire. Mais pour aujourd'hui, nous continuons ce que nous avons arrêté la dernière fois. Parmi les façons qui nous trouvent une petite chose et une valeur, c'est qu'il y en a plusieurs noms. Il y en a plusieurs noms. Aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'un quelqu'un content une petite chose, il met un nom avec lui. Il met un nom avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les créatures qui définit de plus beaucoup de noms, qui mentionnent dans le Coran, c'est Jouqiyama. C'est jour Qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle par plusieurs noms. La dernière fois, nous faisons un bon nom et pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous prenons l'île que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le surah Al-Ankabut, ayat 64, l'araignée. Ayat 64, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa inna d'ar al-akhirat al-ahiyya al-hayawan »« Law kanu ya'lamoun »« Wa inna d'ar al-akhirat » Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle ce jour-là pour Darul Akhira. Dar qui veut dire? Dar veut dire la case. Akhira, dernier. Dernier. La hi al-hayawan, c'est ça qui est une vraie la vie. Là aucun nous y a la monde. Si seulement je t'y connais. C'est que vous avec nous là. C'est la vie qui nous fait vivre à aujourd'hui là. Nous dire, mon envie, livrer mon envie. Mais seulement c'est lui qui me crée moi. Lui dit à moi comme ça, là tu fais semblant vivre là. Tu ne peux pas faire vivre là. Vraie la vie, c'est la dernière étape qui est dans là. Ça qui appelle Darul Akhira. Tout le monde dit Akhirat, Akhirat. Qui fait nous appeler Akhirat? Quand nous écrivons de Dunya et de Akhirat. Akhir veut dire dernier. Akhirat, dernier, c'est une dernière étape. Akhirat. Au fait que nous pouvons dire Akhirat de Dunya ou bien de Akhirat, ce mot Akhirat là, il vient depuis le mot Akhir qui veut dire dernier. En deux mots, chers frères et sœurs, quand nous pouvons dire Akhirat après ça, est-ce qu'il faut encore quelque chose? C'est le même dernier. Si nous disons le même dernier, est-ce qu'il y a après lui pour quelque chose? Ça qui appelle dernier là, il y a la vie qui commence en lui. Avec lui-même dernier. Mais bien ça la vie là, est-ce qu'il est prenant la fin? Ça la vie là, est-ce qu'il est prenant la fin? C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, là aucun nous y a la monde. Si seulement vraiment nous récit comme ça. Nous ne récit comprend qui ça constate qui mauvais fatigué, mauvais travail, mauvais coupé, transé, mauvais gain tracas, mauvais gain sous moment des enfants, cela est vrai, est bon, la vie ça. Tantôt de même au PMDG, mais nos enfants. Mais seulement ça qui nous peut guetter là, pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, nous pouvons qu'on vive là. Nous pouvons qu'on vive. Vraie la vie, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça qui vient à nous, dernier là. Wa inna dar al-akhira. Allah subhanahu wa ta'ala fait appeler dar. Dar qui veut dire un nakaf, un plat resté. Parce qu'il peut y avoir un djimoun qui, quand il est jour qu'yama, il ne peut pas rester sans domicile. Il peut y avoir soit Jannah, soit l'enfer. Il peut y avoir soit Jannah, soit l'enfer. Oui, chers frères et sœurs, quand nous guettons dans ce raccord, quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ayat 34, il dit « Udkhuluha bi salam ». C'est quoi avec les habitants de Jannah ?« Udkhuluha bi salam ». Attention. Bisalam, pas veut dire faire les autres la paix, faire les autres salam. Non. Salam qui fait habitant Jannah quand il peut rentrer, ça il trouve dans surah 33, surah Al-Ahzab. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyya, salutation. Zou qui se poussouanni, salam alaikum. Salam alaikum. Ça, ben, ange pour faire, ben, habitant Jannah, quand se pérante, ben, Jannah. Nous fait Allah, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa, pour faire nous vin pour nous salam qui tant sa salamna, chers frères. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa, pour faire nous tant sa salamna, chers frères. Parce que c'est un de ben salam qui vraiment pour réveiller, ben, quelque chose en dans nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître que ça ben ange, vous dit nous, utkhuluha bi salam. Rentre là-dedans avec salam, veut dire en paix, en sécurité. Qui veut dire en paix, en sécurité? En deux mots, tu ne peux pas prendre un nom qui fait toi du tout. Qui quelque chose qui va faire nous du tout? Ou du moins, on attaque, nous, on ne passe pas du tout là, loin de là. Qu'on est qui du tout fait cause avec nous là? Nous trouvons ça drôle. Mais seulement quand ça dit, on a fait rentrer dans Jannah, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger contre la fatigue. Jamais lui fatiguer ça dit. Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger contre maladie. Jamais lui malade ça. Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger contre sommeil, il va vous bien reposer. Imaginons quand vous n'avez pas une place. Comment nous dire, nous faisons la nuit de les jours. Hein? Parce qu'il y a samedi, dimanche, là-bas, ça qui va le dominant. Nous pas ce qu'il fait. Parce qu'il nous les profite au maximum ça, de l'union ça. Allah subhanahu wa ta'ala connaît ça insana comme ça. Qui lui fait? Lui amine, ça c'est une de bonnes caractéristiques qui est un habitant de Jannah quand il peut rentrer. Ça va me quitter là, on est dans lui. Parce que c'est pas de manquement. C'est pas de manquement. Comment nous connaissons cet manquement? Parce qu'en tant qu'un insan, nous visons dormir, oui non. Mais le créateur, là, voilà, non. Faudrait cette qualité de la perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala et sa qualité là. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala et sa qualité là, qui qualité? Il n'est pas dormi. Donc c'est celui qui dormit qui arrive là. Il a manquement. La fatigue. La fatigue, j'ai fait. Allah subhanahu wa ta'ala, même surah, dans surah 50, surah Qaf, quand il peut dire, certainement, il fait une crée dans l'échelle la terre, ensuite qu'il est dit, dans 6 jours, « Wa ma mastana min l'urub » Allah va me dire, aucune fatigue. Aucune fatigue, une crée de soleil. Aucune fatigue. Ce qu'a dit, qu'on peut découvrir, une autre planète, une autre planète, une autre planète. Il va me dire, aucune fatigue, qu'on crée ça. Mais nous fatiguer, oui, non. Nous fatiguer, j'aime. Nous dit, vous de l'eau, nous délipier pour nous travailler, pour nous-mêmes. Tout le monde, c'est dans ce sentiment. Et puis, grand-mère, il dit, vous devez faire des prières faciles. Un jour, des jours, vous ne trouvez pas facile. Allah subhanahu wa ta'ala pas fatigué. Allah subhanahu wa ta'ala enlève ça dans une femme, là, non. Parce que sa place qui te fait rentrer là, est une place qui te promet, toi, qui te fait une préserve, toi, de devenir, mais, à faire profiter à l'os. Il enlève sa qualité qu'appelle la fatigue. Chers frères et sœurs, la maladie. Allah subhanahu wa ta'ala finit de la terre. Mais seulement quand il dit mon ni malade, sa capacité pour lui faire quelque chose, est-ce qu'il y paraît? Quand tu te dis mon n'a capable de dévouer pour sa quelque chose, avec mon ni malade, il vous vient diminuer. Sa qualité qu'il y a dans lui. Allah subhanahu wa ta'ala enlève ça. C'est pour ça que ça en a dit, Odhulu Rabi Salam. Rentre là-dedans avec toute sécurité. Mais dès tout au bas de mon coin, finit enlevé. Ensuite, qu'il y dit, Zalika yomul khuloud. Ça joue là, c'est Al-Khald. Khor, lam, dal. Khé. Khé, lam, dal. Kholada, yukhalidu, veut dire l'éternité. Zalika yomul khuloud. Apportez aujourd'hui, vive l'éternité. Chers frères, est-ce que mon récit comprend ce qu'il veut dire l'éternité? Essayez de moi comprendre ça. Là, aujourd'hui, je connais lundi, puis fini, mardi, demain. Là, je connais qui, moi, août, fait fini, nous rentrons dans septembre. Là, je connais qui nous parle de direction la fin de l'année. Nous reconnaissons ça là. 2013, c'est fini 2014. Mais seulement quand ça, on s'est appelé bien nous ça, ça qui appelle la fin là, ça existe. Wallah, qui a été fallu être un seul ou non, c'est que nous, un seul éternellement. Pour qu'il nous reste vraiment arrive de cette étape là. On se l'a dit, Zalika yomul khulud. Ça, c'est le jour de l'éternité. Comment se vivre après? Après la vie commencée. Après la vie commencée. De là, nous pouvons trouver, chers frères et sœurs, qui, à travers 10 ce banon, nous pouvons trouver une caractéristique, une action qui prend place dans sa jour, qui appelle jour Qiyama. Chers frères et sœurs, nous dit, in vin vers nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam causé, qu'il y soit ayat qui finit descendre le lit, qu'il y soit hadith, qu'il y peut dire, qu'il y peut mettre en pratique, dans deux façons. De là, nous venons dans une deuxième partie. Dans deux façons. Mais avant de nous venir avec ça des façons, hein, nous pouvons prendre un exemple. Nous pouvons amener un exemple de nous la vie, afin qu'il moi comprend qu'il au fait oui capable et dans l'exemple qui explique bonne situation, mais le fait qu'il y faut une partie de modine, pas nécessaire mon esprit comprend parce qu'il m'a iman qui tient là-dedans. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je peux descendre depuis zone qui est vive, depuis ce prêtre, je aussi me bloquer. Ben, j'ai un grave accident. Ok, je vais poser le monde. Je vais trouver accident là, hein? Je ne peux pas trouver un accident là. Je vais proposer le médecin pour lui. Quand je rentre la case, maman m'a dit, et tu ne réussis pas à rentrer jusqu'à ce que tu as dit. T'as dit accident là. Ok. Je vais vivre ma vie, je vais trouver un déboulement qu'il y avait. Un tel, tu as dit, fais la là, je vais dire accident là. Qui est arrivé là? Je ne peux pas trouver un accident là, escalier seulement. Je ne peux pas trouver non rien là. Mais seulement, je vais être différent du monde. Dans différents plats, c'est cause même quelque chose. Est-ce qu'il m'a dit que cet accident dans un ami arrivé? La cause, je vais me trouver. Non, nous vais accepter lui. Nous vais accepter lui, oui, non. Malgré qu'il ne pas trouve accident avec mon hygiène, vous dites sûrement trouver là-dedans. Mais seulement le fait qu'il est différent du monde peut dire même quelque chose dans différents plats. Pas croire du monde peut causer, mais qui est arrivé? Accident, accident. Tu es trop en place là. Non, mais je suis en place, je vais causer. Non, c'est un trois du monde différent. Chers frères et sœurs, Movin Nama, une personne qui m'a confiance dans lui, il m'a ici depuis 40 ans, 50 ans, un grand du monde, il vient avec moi, il vient moi comme ça, qu'est-ce que c'est il dit, on s'occupe. Il dit, moi, tu me trouves cet accident aux îles là? Moi, j'ai dit, il m'a ça. Il dit, moi, je passe, je trouve cet accident là. Pitié, ça me dit, oui. Vous connaissez quelque chose? Quand mon beau, il ne faut pas rester une personne qui cause accident dans vous. Personne ne parlerait pour ça au moins. Ni de la garde de mon accident, ni de l'information, ni de rien. Et mercredi, il m'a fait un mot. Pourquoi le confirmer, monsieur? Est-ce qu'il m'a capable de dire, il m'a dit pour moi, mon fils? Est-ce qu'ils vont vous dire ça là? Il reste dedans là, c'est tout. Parce que ça dit mon là, pendant 40 ans, on fait namaz de Yéli, depuis Titi, on a fait un Coran avec lui, tous les temps, on connaît, bon, tous les temps, vous êtes dispositif. Oubliez, il y a une niveau d'amendement. Non, pas l'eau là. De sa qualité en tant qu'imam, alhamdoulilah. Lui-même fait route bakoto, lui-même fait causer, mais seulement ça accident qu'il dit à moi là, et comment il me décrit à moi ça, il peine du monde pour l'inventer. Il dit à moi ça, après des jours, mon temps, il mot, calé, il ne m'a pas encore une question de cause d'accident là. Et il me décrit à moi accident. Il dit, mais comment il vient ça? Comment il vient ça, cher frère et soeur? C'est ça même de nous dire, qui dit à nous, il y a deux façons. Nous avons fait des navires. Un qui appelle Moutawatir, un qui appelle Ahad. Moutawatir, c'est quoi? Moutawatir, c'est un hadith. Mim, T, Waw, Alif, T, Ré. Moutawatir. Qui veut dire Moutawatir? Moutawatir, c'est qui quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin codé, Zivani fin l'assemblée. Ok? Ça l'assemblée là, là-dedans 10 sahabas ont capté, je n'écris, ça 10 sahabas là après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je donne ça le 20, le 20, prends ça, allez, y aller comme ça là. Ça n'appelle ça un hadith, mutawatir. Le tla qu'on appelle, ahad, ahad veut dire un seul. Le tla qu'on appelle un hadith, ahad, un seul, dit mon rapose. Un dit mon dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça. Il constille jusqu'à jour Riyama qui ne tente le prophète Dieu, ça, cher frère. Personne n'a pas dit pas de ça. Et nous pouvons dire que vous avez craqué ensemble avec ça, j'ai envie de faire un verset, réalise-moi. Parce qu'un verset, réalise-moi. Cher frère, est-ce qu'ils ont accepté ce hadith-là? Moi, je vais vous poser une question pour nous répondre, mais. Non, non, non. Mais seulement 10 pour nous comprendre l'importance croyance de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon. Nous redire un sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ivini li dit à nous comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Tu veux dire avec lui? Mais, qu'est-ce que j'ai entendu le prophète, il me protège au moins. Est-ce qu'il a accepté ce hadith? Et le prophète pas là pour nous confirmer ça. Là, nous pouvons baser l'eau, l'eau nous penser. Nous pouvons essayer de prendre l'île, l'eau nous penser, mais est-ce vraiment capable d'accepter ça là? Attention, non. Avant nous venir avec, est-ce qu'il nous accepte l'île ou bien non? Les Tibon nous guettent, qui veut dire un Sahaba? Un Sahaba, c'est qui ça là? Malheureusement, oui, Alhamdoulilah nous connaît. Un Dieu qui nous a dit, professeur, ça, il croit dans les. Non, non, non, non. Pas pour les conseils. Un sahaba, c'est qui ça n'a? Un sahaba, chers frères et sœurs, c'est ban, par exemple, dans la guerre ou Uhud. Quand Banna Péros tue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a des bouts devant le prophète. Banna Féidi. Banna Rod tue le prophète, déjà, elle n'a des bouts devant lui. Banna Féidi. Troisième, il y a les mêmes comme ça. Parce qu'elle arrive ici. Sahaba a des bouts devant le prophète. Banna Féidi, il y a des sacs derrière toi là. C'est ce qu'on dit vous-même. Un sahaba, c'est qui ça n'a? Un sahaba, c'est la personne qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Il allait comme ça. Ben, habite à Makka, puis roulement pour tuer. Salamit là, mon petit Makka. Dormi dans mon place. Comme ça, si je tiens une place, ou bien je ne pas moi, je viens de toi. Chers frères et sœurs, sahaba, la monde a pas de l'eau. Il monte dans sa place là, il est mis. Il y a Rasulallah, allez-toi. Je vais retard, je dis, allez, je vous pense, je t'en route plus, là de sommeil, au point de place. Ça n'appelle ça? Sahaba. Ça n'appelle un sahaba. Un sahaba, cher frère et soeur, c'est un quelqu'un qui définit avec le prophète tous les temps. Définit avec le prophète tous les temps. Définit témoin, une révélation pour un devant lui. Mais seulement quand il dit à lui comme ça, Mohammed, il mot, il tire ce sable, il dit à celui qui répète sa mot là, moi tu lui dis. L'une témoin. Révélation pour un. Dans quatre occasions, ça qu'il y causait courant de Saint Dieu, il y a raison. Mais déjà, dit mon nom, c'est humain, comment ça personne-là, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mot, comme nous voulons, saute en dehors sur la table, il risque sur la table, il dit, déjà, qui répète sa parole là, je dis à Mohammed, il mot, le groupe se dit, c'est facile. C'est facile. Il y a un iman, oui, non. Il y a un iman. Mais seulement ça l'amour qui lui tient là pour ça du monde là. Pas dire un mot. Imagine quand un dimon proche de famille, tu mots, j'ai un peu. N'acceptez-vous. Mais seulement quand tu tournes en place, on tourne en place là. D'accord, mon famille. Là-bas, sa personne là, pas son compagnon. Pas son compagnon. Chef Ressef va nous dire, de sa façon-là, essaye de comprendre à du monde qui appelle un Sahaba. C'est Savannah, ça. C'est Savannah. Et ce qui nous attend, qui Savannah, qui chose que le prophète, pas nous dire, je vous dis pas le prophète, est-ce qu'il nous attend ça depuis eux? Même les petits guides dans nous l'époque. Mais seulement quand vous êtes un du monde, nous avons confiance, l'autre. Si en 2013, nous avons tout, un du monde nous a confiance. Mais de ça, à l'époque-là, quatre du monde pour la confiance à l'autre. Quatre savants du monde. Et ce qui nous attend, si un sahaba, pour venir pour dire une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'amis du jour, nous attend ça des sujets. Chers frères et sœurs, nous pouvons dire ça parce qu'à partir de là, nous venons avec frais. Là, nous mettons, l'esprit comprend qui, oui, capable, comment je donne l'exemple, imam là, il y a peu drôle. Mais seulement si l'époux donne nous dit, ça nous fait prendre que c'est logique. Non, nous dit pas qu'il n'existe pas logique. Mais plus important que ça, nous dit qu'il n'y a pas, autant nous dire hadith. En deux mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, petite chose qui lui fait de sur la case, en plus de manière. Ça, c'est pour ça. Quelque chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait de chez la case, lit avec son madame. Qui s'en a qui faut comme ça? Pas madame là? Si madame là dit comme ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui fait ça de chez la case. Madame, j'ai eu avec ça qui dit ensemble avec toi. C'est le seul que j'ai eu là. J'ai eu en train. Ou bien nous pas accepter un rôle là tranquille. Non, c'est plus un rôle là tranquille. Parce que ça dit mon qui peut dire ça là, impossible pour elle de venir dire ça. Parce que c'est sexuel. C'est sexuel. Mais une personne importante qui est capable de dire ça. Pareil comme ça même, chers frères et sœurs, comment nous connaissons qu'il passait dans Jabal al-Thaw? Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il quitte Makkah, il reste dans sa montagne pendant 3 jours, 3 nuits, ensuite dans le Madina. Comment nous connaissons? Jean de Hadith. Oui, sans nous besoin ouvrir le livre Hadith. Si nous posons une question, qui est-ce qu'il a besoin de rapport ça? Besoin de ça vous va? Mais qui fait? Mais les seuls avec le prophète là-dedans. C'est dans le temps de ça. Comment nous connaissons qui s'en qui rapporte Hadith? Ya Rasulallah, si je guette, je pousse les pieds, je trouve nous. Qui vous rapporte ça Hadith? Est-ce qu'il nous voit le pense loin? Il est trop simple, bien vous voir. Qui fait bien vous voir, quand dit Allah? Parce qu'il fait Nazis, il sera déjà dans la place là. Donc, de là, nous pouvons trouver de nous dire. Qui ça qui appelle la logique là, quand nous peut dire, c'est pas imam, il trouve un accident, après l'inmo, nous parlons de confirmer là. Non, de nous dire, il n'y a pas venu. Parce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle Mouad ibn Jabal radiallahu an. Et il dit à lui, oh Mouad, pour qu'il soit dit, toi, pour avoir ça, Yémen. Yémen. Qu'il y soit, première petite chose qui tourne en 5 heures, shahada. Ensuite, on s'est dit de salat, ensuite on fait de zakat. Combien de monde il a allé pour enseigner dîner de Yémen? Un seul. Jusqu'à Djabé. Nous pouvons dîner avec un seul du monde? Non. Nous avons encore du monde pour confirme-nous que ça qui te fait dire là, vrai. Mais seulement le fait que c'est le prophète qui l'a envoyé. Ben, acceptez-le oui ou non? Ben, acceptez-le. Plus grand preuve de nous dîner, chers frères et sœurs, pour nous comprendre de nous dire, même un seul sahaba qui nous dit une petite chose, même un seul, nous bien accepter-le, de nous dire comme ça. Pas nous dire, nous avons un seul sahaba qui nous dit ça, un khabarahat ça, un peu de doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de hadith qui tourne dans Sahih al-Bukhari, rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, lui dit, ben un nas ou bi-kouba fi salat al-sur. Ben dimoun te fait fajar de masjid Kouba. Il dja ahum atin faqal. Un dimoun vin verdot, un seul dimoun. Ben à côté là, ben un de masjid Kouba. Je peux faire un namaz fajar. عندي من بين بيزود لذي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن لذي سلام يطلع إن آية تنزل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر أن يستقبل الكعبة لين لود آية لا بيزا أريد بيا ديركشن بيت المقدس بيزا بيا ديركشن مكة أنت جيمون تكوزي لا فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه لجي زتو اكوتلي دون امازيم انا فيري زت بيفير ديريكسيون شام زتو فيري دي ديريكسيون كعبه شيف ريتير كومي دي مونينا من فا نوفيل لا انسل دي مون انسل دي مون فيني دي سالانيت لا بيجي برو دي بوي ايشا لي بروفيت دي فيني شانس كي بلا لا با لي تا نوفيل لا اريف dans ma vie, Kouba, Bana, Bébé, Fajab, les diazotes comme ça, Kribla, insensé. Ils descendent les prophètes, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui récite ces paroles? Tout inaccepté. Bana, tu as dit, ah, qui est insensé, qui est comme ça, un seul djibon venu donner une nouvelle comme ça, peine à personne dans sa moto, jamais. Bana, il n'écoutait oui, non. Parce que c'est un sahaba qui n'amène ça. Un sahaba partant jamais, il invente une chose pareille. Chers frères et sœurs, et la commune hadith qui montre nous, qui dans nous dit nous condamner, même demain, un seul sahaba raconte un hadith, nous vous disons accès. Qui fait nous venir sur la terre? Pour quelle raison? Pour une seule raison? Pour quelle raison? Chers frères et sœurs, quand nous commençons à poser le chafard, intersection du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous commençons à poser le tout ban miracle du prophète, apporte pour Anne, quand nous vous causons l'eau, question-réponse qui vient de Kabbal, quand nous vous causons l'eau, c'est rare, ça pond qui est dans l'enfer là, quand nous vous causons l'eau, Al-Haw, Bassin qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, qui est pour faire nouveau avec Solami, quand nous vous causons l'eau, balance, jour Qiyama, être sûr que tout ça a dit, ça rapporte quoi, combien de sahaba? Un seul sahaba. Un seul sahaba rapporte tout ça là. Qui nous fait accepter ou non? Comment nous accepter lui? Est-ce qu'il nous accepte lui la cause moi mon dire? Est-ce qu'il nous accepte lui la cause nous entendez? Ou bien nous accepter lui avec conviction? Non, il faut partir de Modina. Un sahaba jamais cause mon silo là. Là, là nous croyons de sa bonne personne là, une seule image. Là, nous accepter qu'il y a un sahaba, il va tout inventer. Parce que c'est lui qui dit. Mais si vous voulez, un seul sahaba cause le haut, apporter une personne, ou bien de tout le monde, ou pas bien aucun sahaba qui ne rapporte cela. Qui vous fait poser ça du fait? Ou dire haut existé? Quand nous guettons concernant Shafar à l'intersection du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ou gagne lui qui les fin vine dans une seule direction, veut dire depuis un seul sahaba, qui fait? Ou dire le prophète va faire Shafar à Yama? Ou bien accepter lui. Être sûr, chers frères et sœurs, qui, au fur et à mesure qu'il nous rend de l'étudier concernant jour Qiyama, nous vous trouve qu'il nous tente même nom, un seul sahaba. Un seul sahaba nous tente ce nom. Mais finalement, il n'y a pas. Parce qu'un sahaba est sûr, à aucun moment, les papous inventent une parole, l'eau les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il nous tente de nous dire, radiyallahu anhum ajmarim, qu'Allah soit satisfait avec eux. Parce que c'est bas qui même un seul. Saban hadith qui nous peut citer là, une part pour eux, puis non. Une part pour eux, tu vois. Saban hadith, une part pour eux. Chers frères et sœurs, nous continuons. Nous continuons les sons. Parce que c'est pas cause, là. Vous donnez une dîner, nous donnez ça, après nous donnez une solution à la fin, non, allez, non. Ça n'est qu'un enchaînement. Quand nous finissons ensemble, concernant l'impotence, croyance de jour Qiyama, nous nous disons, bah non, nous nous collons, qui ban hadith, les temps du même ordre de travail, qui s'en vous connaît. Qui m'ont connu, qui différence il y a entre Ahad et Moutawatir. Ça, c'est comme ça. Qui ça n'a vous connaissez beaucoup de différences qui n'a et ben Hadith Yuriyama rapporté Ahad. Ça, c'est comme ça. Mais seulement mon Rob connaît beaucoup de ça, oui non. Vous avez raison, vous montez à travers ça, oui non. Ça qui nous redit. Il ne faut pas demain qu'on puisse apprendre une petite chose, quand on fait une information, on fait cause, on va vous apprendre ça ou bien ça. Au contraire, faites-le pas gagner. Oui. Faites-le pas gagner. Parce que c'est un objectif flécé dans le temps, mais la coupe comme il y en a. Il y a plus du mal de là. Ordination. Connaissant ça, on y pour moi, augmente mon daraja. Augmente mon daraja. Est-ce qui dit mais ou j'en ai dit bon, machallah, alhamdoulilah, d'un premier ça, puis vers ce qu'on ne dit aller comme ça. Et c'est dans le fait que ça. Comment ça va faire pour ça? L'importance me concerne. Une femme qu'on est un jour qu'il alhamdoulilah, dit bon. Dit bon, il va bon. Les bons, il n'a imam d'un jour qu'il mais seulement en point qu'il y a une indifférence devant Allah, oui non. Il y a une indifférence. Parce que moi, je connais ça, va tirer à faute ça. Mais lui, il vient là. Donc, moi, j'ai une indifférence d'un minimum, des connaissances, moi, je connais ça. Mes connaissances, comme un abrité, vous avez quoi ça profite. Tu as prouvé que ça y profite, moi. Tu as prouvé. Ce n'est que jour qu'il y a un, quand vous arrivez, le point, tu te vois le code, moi, tu connais une différence entre hadith, ahad et mutawatir, tu vois, tu connais. Tu connais qui, moi, tu connais hadith. Ahad, c'est un hadith qui rapporte de jour qu'yama, tu vas te connaître, là tu vas trouver des rajas qui m'ont inaspiré. À travers ça. Pas nécessaire le latin qui quelqu'un connaît, qui nous connaît, chers frères. Nous continuons pour nous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est qu'on roi? Ça veut dire. Est-ce qu'il est qu'on roi? Est-ce qu'il est une différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on rêve avec lui prédire dans quelque chose. Chers frères et sœurs, la réponse nous-mêmes nous pouvons amener. Je veux dire, par l'eau d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi l'intelligence, je vous gagne. Qui nous peut redire pour ça? Le sourd sallallahu alayhi wa sallam de dernier ayah qui trouve dans surah 18, surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qul innama ana basharum mislukum » Dieu dit au Muhammad, certainement vous êtes bachar, vous êtes dimoun, pareil comme un jeune. En premier, le sourd sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Dimoun. Ensuite, il est venu « Yuha ilayya » vous gagnez wahi. C'est la différence à ce sujet. Et ça veut dire en sa côte Yuha ilayya, mogain wahi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, parmi ma différence qui vini, et ça c'est une différence claire, c'est que sa prophète là, il gagne wahi. S'il n'y a pas gagné wahi, dans les qu'il n'y a pas gagné wahi, qu'il y résonne à l'os. L'os, en tant qu'un insan, la preuve, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puis allez, et il trouve ce bon compagnon, Pédresse de bon Tam. On veut dire Tam là, veut dire Pietam. Mais si vous adressez qu'un Pietam, chers frères et sœurs, si nous trouvons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala récite sa fille là. Si nous trouvons le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, amène sa fille là comme un exemple pour un croyant. Si nous trouvons ces nourritures qui sont plus recommandées pour nous manger qu'on nous faire, c'est ça. Connais sa fille là, j'ai une différence avec les deux. Un parmi les différences qu'il y a, c'est qu'il s'ouvre une côte-moi d'un pied d'âme. Un exemple, c'est moi, hein. Ça s'ouvre. Quand on en est. Côte-moi, il y a un pied d'âme. Ou bien, il y a un corps à côté, ou bien, moi. Si moi, je dis, oui, moi, je vais en mettre tout. Oui? Non, Inch'Allah, moi, je vais oublier, ou bien, on mettre tout. Qui fait? Quand tu pied d'âme, les amis, les rapports, tu sais, tu sais, il y a besoin de sortir, oui. Mal, c'est mieux. Comme il dit, mon pied d'âme. Ah oui, qu'il n'y avait pas. Quand je dis, parmi les miévés qui s'appuient là, et n'achèvent pas les sœurs, c'est qu'ils piétament, ils ne poussent pas individu. Individu n'a jamais été. Et là, quand je vois faire cette fois-là, on va le mettre des piétament mal ensemble. Là aussi, il va brapoter. Ça, c'est une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui met à travers ça. Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui a connaissance là-dedans, oui non. Nous avons besoin de quelqu'un qui a connaissance là-dedans. À ce moment-là, chers frères et sœurs, subhanallah, à ce moment-là, un seul pied qui rapporte, malgré la deux pieds. Un seul qui va rapporter là, il se fait mille là. Malgré la qui va rapporter. Ça, Allah, c'est quelque chose, ce bâtiment qui nous mettait à travers sa créature-là. Nous continuons pour nous dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait passer, il dit que mon compagnon, prends un Allah, mélange avec celle-là, il rapporte. Vous faites une causée là. Voilà, c'est lui ou non. Voilà, c'est lui des suites. Allez. Après quelques temps, ça va la mine avec Dieu. Ya Rasulallah, tel jour, tel lettre, tu passes, nous, tu veux faire ça, c'est bien, non? Ya Rasulallah, aucun temps, bon, non. Je vois, Rasulallah, aucun temps, bien, non. Ça, c'est cette bonne question du mien. Le contact, c'est bien, c'est moi. Moi, je viens de vous montrer le akhirat. Moi, je viens de vous montrer le akhirat. Chef, vous essayez, c'est un prophète, là, tu connais la réunion. Tu vas te connaître après la femme pour rapporter qu'on dit, hein? Et tu vous connais, oui, non? Est-ce qu'il dit, tu peux mettre ce bon sahaba à l'erreur? Ça fait montrer nous qui ça prophète là, il vient à ta noahi de sanoli pour être capable de dire qui devant pour arriver. Ta prophète là appelle ce bon compagnon. Il dit aux autres comme ça, qui nous fait? Moi, tant d'autres viennent dans Madina ou viennent dans l'Andéo? Ben, il y a son dans l'Andéo. Il y a la guerre au Houd. Allez, dans l'Andéo. Il sait faire une victoire l'année passée. Si il connaît, il y a un tel défait. Son lidant pour casser. Son disant pour couler. Son tchaka pour mot. Parmi ce bon sahaba, Moussa bin Omer, radiallahu anhu pour mot. Si il connaît tout ça là, il y a de l'avant même. Est-ce qu'il se parle de l'avant? Ou bien tu viens sur ça, Rosaka? Aux gens, c'est ce pas normal. Et ça, c'est vrai. Non, il y a une femme. Il y a une femme. Dans ce insanier, les gens, ils prennent des décisions, ils placent confiance en Allah. Si vous avez la victoire, Allah vous descend. S'il y en a qui désobéissent, ça donne. Allah pas vous descend. Pas vous descend la victoire. Nous connaissons le résultat. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? C'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vendredi après Djumma, la guerre route commence le samedi. Après Djumma, quand il fait quitte Madina, il peut aller. S'il connaît la défaite qui a s'amener devant. Il connaît ce qui a fait la joie de l'amour. Chef, c'est les choses. Ou bien faudrait lui pas connaître pour lui parler. Le prophète n'a pas connu. Il pas connaît. Quand sa prophète là fait djibout, comme imam, il virait, il dit adresse ça. D'un premier sac, vous connaissez que ça n'a qu'un an, là-bas, il y a l'estomac. Il dit d'un premier sac, fait namas fajar. Ou amin ahli al-madina. Ou amin haoulahu. Mounafikou. Nahnu na'lamu. Allah subhanahu wa ta'ala révèle de surah net, surah tauba. Et parmi sa bande de Miana, ô Muhammad, et parmi les habitants de Madina, et ban qui alentour, et n'a pas d'hypocrite qui fait du dans sa montre. Ce n'est pas qu'on dit au Muhammad, nous qui connaissons. Nous qui connaissons. Quand le prophète ne connaît que ça n'a qui, hypocrite. Quand il vient un grand matin, il dit, sans la nuit là, Allah subhanahu wa ta'ala finit de sa noix. Il est au moins, il ne fait pas qu'on ban, non ban, hypocrite. Pourtant, maintenant, si on s'en ordinaire, il va vérifier qu'on est ça, ça n'est pas question. Non. L'imbija, ça ne croit. Le temps de voir, c'est des sales. Donc, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on en donne un du monde. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on plie devant, chers frères et sœurs. Qu'il fait bien tant. Wahid et puis, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui vient dans la prédiction, là, l'air. C'est ça qui vient dans la prédiction, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quelque chose qui nous fait vivre, azodi, il vient. Pour le martyr qui dit non à l'approche de Qiyama. Et non pas nous dire, les prophètes trouvaient que tu finis de dire ça. Ça dit qu'on rêve, ça dit qu'on a venir ça. Ça dit, cher frère. L'incon qui peut arriver à Zodi, il n'est pas une dialy, excepté par ce qui Allah subhanahu wa ta'ala qui ne révèle vers lui. Mais après ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, cher frère, concernant tout le monde qui dit Hassan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala descend wahi l'ouni. Et puis grand hadith, nous disons bien plus grand hadith, pas hadith en tant que comparaison avec un hadith, non plus grand hadith pour un celui qui n'a iman, chef pressé, m'a dit ni bien, Huzaifa. M'a dit ça nous. Huzaifa ibn Yaman, radiallahu anhu. M'a dit Huzaifa, Yémen, Yaman. Huzaifa ibn Yaman, radiallahu anhu. Qui particularité y a ça? Un nifingatit, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout le secret qui le prophète y a, j'ai le savé. Savé qui? Tout le secret du prophète qui connaît. Et il va arriver rapidement. Mais seulement, Huzayf ibn Yaman radiallahu anhu, lui-même qui fait à nous, par l'eau d'Allah, apprendre. Qui est comme ça? C'est lui-même qui rapporte sa hadith. Qui plus, je ne vais pas nous citer ici, chers frères et sœurs, mais je vais nous réciter, étant donné qu'il l'a mis dans le sujet en plein, c'est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit ses fajr. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sa prophète-là déboute le mimbar. Après fajr, il causait jusqu'à Zohar. Bilal, radiallahu anhu de Nazan, il descend le mimbar. Il fait un Zohar. Il a soumnat, non, il fait un Zohar. Comment il finit faire salam, il redéboute le mimbar. Il cause jusqu'à Assar. Il descend le mimbar, il fait Assar. Il remonte le mimbar. Il cause jusqu'à Maghrib. Il descend, il fait Maghrib quand il finit avec son compagnon. Prends depuis Fajar jusqu'à Maghrib. Les prophètes qui me cherchent à faire, il cause. Quelque chose qui interrompit, c'est juste de rave avec Assar. Habita rapporte pour qui c'est là? Pour Huzaifa. Ibn Yama. Qui fait nous faire apprendre ce nom? Parce qu'il peine à ainsi qu'Yama. Qui peut arriver, excepté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam de hadith, Hudhayfa ibn Yama, radiallahu an, quand il déboute le mimbar, chef de l'État, le prophète dit tout Hazoula. Il dit tout Hazoula. Tout ce qui est là. Prends des Philippe et des bouts là, ce qu'a dit au Qiyama. Il dit tout. Prends-lui. C'est tout pour l'Arabie, parce qu'il demande là. Plus tard qu'il fasse des bouts, c'est-à-dire, plus tard, mets-lui 20 minutes la source à son filtre, pas déjà. Ou là, il commence à causer 6 et demi. Plus bonnet à qui m'arrive à arriver là-bas, c'est 6 et moins 20. Pareil, parce que pareil pour nous. Je veux dire, mets-lui 5 et demi à arriver. Nous prenons 6 et demi pour 5 et demi, 11 et temps. Nous tiens un instant, nous faisons la fin. Mettez-lui un instant. Pendant 18 ans, le prophète indien, quoi, chers frères? L'indien, nous tout bâtis qu'il faut arriver jusqu'à jour Qiyama. Pendant 18 ans, un jimoun se lève. Pendant 18 ans, nous disons bien, l'indien bâtis. Il n'y a pas de causerie, il n'y a pas de explication, il n'y a pas de non. Il dit, jour Qiyama va pas arriver aussi longtemps par ici. Jour Qiyama va pas arriver aussi longtemps. Quand je trouve ça, moi, je suis dans une société, connais jour Qiyama, puis approcher, il reste à l'aime comme ça, chef. Il reste à l'aime comme ça. Zohar dit ça, Asa dit ça, malgré bien arrêté. Hier, parce que vous l'avez comme excédent qui nous dit, c'est ça, Hadith, Huzaifa, radiallahu anhu. C'est Huzaifa qui rapporte ça, Hadith, chef. Guide à travers connaissance pour l'ordre d'Allah, comment nous plie qu'on nous dit, et guide à travers connaissance pour l'ordre d'Allah, comment nous gagne plus de tranquillité, concernant nous dit. C'est pour ça que, commencement, nous mettons l'importance de apprendre chez vous. Pas nécessaire de lundi, sinon. Apprendre seulement, apprendre nous dit. Des tranquillités qui nous gagnent là-dedans. Nous reconnaissons que ça dit, non, pas nous venir pour la cause qui nous crée le tableau, ça. Il n'y a pas venir au tableau, ça. Nous venons à travers sa bande du monde, là. Sa bande du monde, là, comment je me gagne ça? Ça n'est plus joli. Et là, demain, quand on retrouve ça, Hadith à l'autable, quand on retrouve l'un de pamphlet, mon père connaît, ça n'est pas une porte à pied. Il ne passe pas ça, une étape là. Quand nous tannons ainsi, Qiyama, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, chers frères et sœurs, dans mon latif qui vini, Hadith, vous avez parlé d'Allah. Quelle différence c'est que non, sinon, c'est que je n'ai pas. Pour l'autre d'Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous choisit à nous pour amener une différence. Ça, quelle différence, c'est que pour moi, te cause un jour, Qiyama, mon sentiment du monde, Allah qui n'a pas le même de te faire. Qui fait vivre? Parce qu'il me connaît quand les prophètes me causent ça. Qui te connaît Hadith pour que. Non, même Hadith pour moi. Mais seulement si tu fais demander un signe à moi, un jour les prophètes te racontent tout, si après ça me raconte des Hadiths. L'écoute mon enfant. Ça, c'est l'importance divine, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit la dernière fois, quand il dit, Nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan, fa hafizahu hatta yuballi'u. Hadith. Qui trouve dans Mousnad Ahmad, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Nadarallahu imra'an. Allah subhanahu wa ta'ala pour éclaircir, pour faire éclairer. Un djimoun se figure, qui ça n'a djimoun là? Samira minna hadithan. Il y a un seul hadith depuis moi. Fahafidahu hatta yuballi'u. Et il apprend, il mémorise, et il n'a pas donné ça, ben, qui pas entendu. Jour Qiyama avec un seul hadith, ça dit mon Allah qui fait avec lui. Élimine sa figure. Élimine sa figure. Je voulais qu'il y ait plus de lumière dans mon figure jour Qiyama, que Allah subhanahu wa ta'ala dans surah 3, surah Al-Imran, il dit Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa amma alladhina swaddat wujuhuhum afinna. Quand c'est un jour qui s'ajoute là, pour une bonne visage qui pouvait noir et pour une bonne visage qui pouvait clair. Juste des cartes qui disent pour nous. Juste des cas de figure qui vous viennent. Un seul figure vous viennent noir, un seul figure vous viennent blanc. Viède. Il vous viennent blanc, il vous éclairer. Une des bonnes façons qui est incroyable, élimine ce figure, chers frères, c'est comment? C'est comment? Les venir comme pose obligé. Quand vous voyez ça, vous avez un là dans le livre, et vous avez une promotion qui n'a pas fait le plaque à deux. À travers ça, non. Ça, quand il y a pour venir nos figures, il vous viennent. Ou vous tient un nouveau corps d'identité pour continuer à vous dans 60 ans. Quand je parle de combat, c'est nouveau, là, je vais vous dire 5 ans. Non, pareil, pas le même là-bas. Là, vous changez. Mais seulement, vous voulez, vous voulez éclaircir jour Qiyama, c'est dans quelle façon? Au moins, un hadith. Moi, je rentre dans la case. Quand je parle de combat, je dis, moi, la case, je dis à mon madame, mon petit-fils, Tony, vous êtes un seul hadith. Hadith, vous avez fait une Qiyama. Et vous venez de tout signer Qiyama là-dedans. connais qui mon amène la 15 ans. Connais qui mon amène la 15. Mon amène la 15. Quelque chose qui vient passer 14, 100 ans de cela, qui montre nous ça les mona un jour pour finir. Mais qui différence c'est faire? Qui différence c'est faire qu'on ne trouve dans le monde là, ben là c'est la guerre pour conquérir le monde. Et moi, je peux inculper dans mes enfants. Et moi, je peux inculper dans ma famille. Ça, les mots là pour finir. Il y a la différence qu'il y a en deux bonnes choses. Ben là, on gagne les mots même. Je peux arranger ça, là, cinq fois là pour finir. Faire ça, nous faire ça, nous faire ça, nous brosser un pays là, nous brosser ça. Puis arranger, on dit, ok. Mais seulement nous qui nous veut préparer nous. Tant que vous arrangez, vous veut connaître ça, les mots là pour finir. Comment tu connais ça? Vous avez pas. Vous avez pas, radiallahu anhu. Fin rapport ça, ça hadith là. Et en dernier, cher frère, sœur, nous venons avec lui. Quand nous pouvons dire de nous dire, Ilm Mustara. Ilm. Ilm veut dire connaissance. Une connaissance, c'est quoi? Une connaissance, c'est une petite chose qui me connaît avec Yaqin. Dans nos dînes, connaissance est divisée en cinq étapes. Ça s'appelle connaissance. Un, c'est Al-Yaqin. Certitude. Il n'y a aucun doute là-dedans. Il n'y a aucun doute là-dedans. Deuxième qui venait, c'est achat. Il y a un petit doute là-dedans. Un petit doute à le rentrer là-dedans. Je veux dire, je saute au 100%, moi je vais faire 90%. Achat. Doute. Je finis de faire oiseau pour ma grippe. Je vais rentrer ma grippe déjà. Il y a oiseau là au moins là. Je connais mon faire oiseau ma grippe seulement. Mais ça, on a un petit doute là-dedans, oui non. Ça, c'est le chiffre là, il descend en place. Il descend. Ça, c'est la deuxième étape de connaissance. Plus beaucoup me connaît, mais plus physiquement, je doute. Oui. Troisième, c'est quand du monde arrive, au milieu pour milieu. La moitié, dit. Et la connaissance, et la moitié n'est pas connue. Quatrième, c'est avant. Avant, mon pensée, il faut ça. Un de causes, il va dire, mon pensée, il au fond de moi, je connais qui, 75% est capable, pas comme ça. Mais seulement, me dire, mon pensée, il comme ça. Et cinquième, c'est Al-Jah, l'ignorance, il n'a pas connu, pas connu, on est là-dedans. Dans sa cinq étapes-là, un à 100%, un à 0%. Elle a le 75%, elle a le 25%, elle a 50%. Quand nous pouvons dire « Ilm Sa'a », nous pouvons causer le 100%. En d'autres mots, nous disons que ça joue là à 100%. Puis il n'y a aucun doute là-dedans. Nous avons des jours qui y a un malade. Ça oui, alhamdoulilah, beaucoup, tout le monde croyant, il y a un iman là-dedans. Non, nous pouvons causer le chaque étape qui prend place ça joue là. Prend depuis sa ange là soufflé de tromper jusqu'à sa dimonna prend direction Jannah ou bien l'enfer. À aucun moment mon visa pena, pena aucun doute là-dedans. Et mon connu tout bien dans la moindre détail. Ça qui nous déroule là. Mon connu dans la moindre détail, prend depuis sa dimonna, il levé de son kabab jusqu'à qu'il arrive dans Jannah dans l'enfer. C'est ça qu'on nous fait cause. Rien Moussara. Connaissance concernant jour Kiyama, ne pas fait dire, on dit chers frères, oui, nous connaissons la balance, soleil pour descendre, nous appelons ça là. Ça nous appelle ça, ça nous connaît en gros. C'est pas ça qu'il nous peut dire. Quand nous peut dire soleil puis descendre, pour l'eau d'Allah, nous sommes capables de dire soleil là qui descend, après avoir qui dit Mouna, il finit faire ça, et ensuite, comment soleil finit de descendre, pour arriver ça jour Kiyama. Mais il nous place soleil là quand ça descend. Quand nous peut dire, pour arriver, bien pose lui. Ok, nous acceptons, nous connaissons. Pour arriver à nous, quand tu gagnes des. Mais seulement, quand tu gagnes des là. Quand comment gagner des là. Et si vous connaissez qu'il y a, fait, il y a trois façons de gagner ça livre là. Quand vous dites moi, livre, je prie à est-ce que vous connaissez qui livre ça. Ça livre là qui grandit, il était. Ça livre là qui longuait, il était. Nous prenons un hadith là. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Djibout. Lydia, comme il était là, Lydia, que ce soit un compagnon comme ça, paye la haine du monde qui va arriver jour Kiyama, excepté qu'il se soit déjà là. Lydia, ce livre, il est pour 99. Elle là, il est pour combien de distance qui montait jusqu'à côté de l'horizon là-bas. Ça, elle là, ça. Pour 99, comme ça pour nous. Nous régaler? Nous régaler? T'as l'air sorti de l'océan, redonne-toi jusqu'à côté de l'horizon. Prends des plus côtes montées jusqu'à côté de l'horizon, ça c'est haine. Pour le mot bannir. Pour le premier moment. Pour le 98 qui suivent. Il est clair. Tout ça qui m'a écrit. C'est ça le livre-là même qui vous donne manger au Kiyama de mon ami là. Ça. C'est un livre-là qui vous donne manger. Est-ce qu'il y a une différence entre moi et un cliniste et ma croyance dans les chefs? Il y a une différence. Il y a une différence. Quand nous faisons cause à Il Moussara, c'est ça qui nous qui nous fait dire. Inch'Allah, ça croit avec nous de semaine, chers frères et sœurs. Fini, prépare-nous. Qui pour préparer encore? Mardi, c'est un congé public. L'autre mardi, c'est un congé public, les 10. Donc, nous connaissons, je vais nous bien reposer même, si nous vous en faisons sinon. Inch'Allah, nous essayons. Rester un petit peu plus long, nous finissons de dîner un peu malgré, nous connaissons parce qu'Inch'Allah, nous vous ferons, c'est pas disons 8h15, nous pour aller en temps full, en temps, oui, en temps, pour qu'il comme au pays sorti, vous sentiez dans la zone montée. Vous sentiez qu'il y a une différence, comme au pays rentré, et comme au pays sorti, quantité qui m'a fini, apprendre. Et ça qui fait avec nous, Inch'Allah, la semaine, chers frères et sœurs, c'est qui va nous calquer si il y a un maquin. Il y a un quartier signe qui prend place infinie. Il y a un quartier signe qui n'a pas pu vivre. Il y a un qui, pour venir à la cause du jour Kriyama, veut dire de ce matin, une semaine. Ensuite, combien de quartier Kriyama il y a? Qui s'assied? Oui. Premier petit Kriyama qui nous rentre, c'est quand ça dit mon amour. C'est quand ça dit mon amour. C'est fini par l'étape du jour Kriyama. Parce qu'il m'a mis d'accord qui lui dit Rabbi Akim et Sarah, oh Allah, fais jour qu'il y a mal à venir. Parce qu'il finit pas par la petite porte, il peut venir là. Ensuite, il y a sa étape qui est relevée, jour qu'il y a mal. Ça, ça qui va avec nous la semaine, Inch'Allah, et sans aucun doute, nous commençons par le premier signe qui est avec nous le jour, et nous connaissons jour qu'il y a mal à venir, c'est l'amour du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.